Les grandes espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation Sylvie Granotier. Sixième épisode. Pip a été informé par un certain monsieur Jaggers, avocat à Londres, qu'un de ses clients voulait financer son éducation et faire de lui un véritable gentleman, à condition qu'il ne cherche jamais à savoir qui se cache derrière ce mystérieux bienfaiteur. Pip est certain qu'il s'agit de Mademoiselle Havisham et qu'elle projette en secret un mariage entre Estella et lui. Confiant, il quitte son village natal pour s'installer à Londres. Allez ! Ma dernière image, le matin de mon départ, est celle de Joe me lançant une vieille chaussure pour la bonne chance. Puis Biddy, l'imitant, avant d'enfouir son visage dans son tablier. La brume se levait lentement, dévoilant un monde à venir immense et inconnu, et j'éclatais en sanglots. Il ne faut jamais avoir honte de ces larmes, car elles arrosent la poussière aveuglante qui recouvre nos cœurs endurcis. Je me sentis mieux après avoir pleuré. À chaque relais, je calculais le temps qu'il me faudrait pour quitter la voiture et rentrer à pied à temps pour le dîner. Bientôt, il fut trop tard et trop loin pour revenir et je poursuivis ma route. La brume avait complètement disparu alors et le monde s'étendait devant moi. À l'époque, pour nous, les Britanniques, douter que nous possédions et étions nous-mêmes ce qu'il y avait de mieux en tout ressortissait de la trahison. Dans le cas contraire, je pense qu'en plus d'être terrorisé par l'immensité de Londres, j'aurais reconnu que la ville était plutôt laide, bizarre, étroite, avec ses artères crasseuses et enchevêtrées. Je pris un fiacre comme prévu, et avant même de commencer à profiter de la promenade, je vis le cocher s'arrêter dans une rue sinistre devant une porte ouverte sur laquelle était écrit « Monsieur Jaggers ». Je vous dois combien ? Un shilling. Sauf si vous souhaitez me donner plus. Non, je ne le souhaite pas. Alors ce serait un shilling. Je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, moi. On connaît la bête. Bonne journée. Merci. Il cligna un œil sombre vers le nom gravé sur la porte et secoua la tête avant de repartir, avec ce qui ressemblait à du soulagement. Votre dossier est sur la table, monsieur. Bonjour. Est-ce que monsieur Jagger, c'est là ? Non, il est au tribunal. Je suis monsieur Wemmick. J'ai affaire à monsieur Pip ? Effectivement, c'est moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. L'homme était de petite taille, très sec, avec un visage carré taillé au burin sans faire de détails. Il avait l'œil petit, vif et noir. Ses lèvres fines et larges étaient mouchetées de taches. Sa bouche en forme de boîte aux lettres donnait l'impression d'un sourire permanent, mais en fait il ne souriait jamais. Je jugeais que tel il était depuis environ 40 à 50 ans. Il affectait, comme monsieur Jaggers, un air de savoir des choses sur vous susceptibles de vous causer des ennuis. Monsieur Jaggers a laissé des instructions comme quoi vous deviez l'attendre dans son bureau. C'est bon, Mike, tu peux l'attendre dehors. Bien, monsieur Wemmick. Je voudrais pas déranger. Allez, ouste dehors et attrape ta toque. Bon, je vous laisse. La lumière n'entrait que par une lucarne au plafond, et l'endroit était sinistre. Je m'assis sous le regard vigilant de deux horribles bustes en plâtre au visage boursouflé. Que ce soit l'air chaud et étouffant d'un jour d'été à Londres où la poussière et la suie qui semblaient tout recouvrir À la fin, je n'en puis plus et annonçais que j'allais prendre l'air en attendant le retour de mon tuteur. Bien. Je me heurtais à divers solliciteurs qui attendaient M. Jaggers. Jaggers le ferait si c'était la chose à faire. Mais il y a Jaggers de son côté, que peux-tu vouloir de plus? Jaggers, il me faut que Jaggers soit là. Monsieur Jaggers. Vous deux, je n'ai rien à vous dire. Je ne veux pas en savoir plus que ce que je sais déjà. Quant au résultat, c'est un coup de dé, je vous l'avais dit dès le début. Vous avez payé Wemmick? On a réuni l'argent ce matin. Je ne vous demande pas quand vous l'avez réuni, ni où, ni même si vous l'avez réuni. Est-ce que Wemmick l'a eu? Oui. Très bien, vous pouvez partir. C'est-à-dire qu'on avait pensé que... C'est ce que vous ne devez pas faire. Je pense pour vous et ça devrait vous suffire. Je m'oppose formellement à ce que vous m'adressiez le moindre mot, sinon je laisse tomber l'affaire. À vous autres maintenant. Amélia, c'est ça? Oui, monsieur Jaggers. Le ciel vous bénisse, c'est pour ma traite. Une fois pour toutes, si vous ne savez pas que votre traite est entre de bonnes mains, moi je le sais. Avez-vous payé Wemmick? Mais oui, monsieur, jusqu'au dernier sou. Très bien, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais monsieur Encore Jaggers... Encore un mot, un seul mot, et Wemmick vous rend votre argent. Oh, mais non, mon Dieu, monsieur Jaggers. Alors, monsieur... c'est qui celui-là? Lâchez mon manteau, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Abraham Lazare, soupçonné de recel. Ben, vous arrivez trop tard, j'ai changé de camp. Suivez-moi, monsieur Pipe. J'ai besoin de vous, moi. Mike est là, monsieur Jaggers. Ah, votre homme passe en jugement cet après-midi. Alors? Eh bien, monsieur Jaggers, ça n'a pas été facile, mais j'en ai trouvé un qui préfère l'affaire. Il est prêt à jurer de quoi? En gros, à peu près n'importe quoi. Je vous ai déjà prévenu que si vous teniez ce genre de propos ici, je saurais vous montrer de quel bois je me chauffe. Misérable scélérat, commencez-vous! Espèce de tête molle, qu'est-ce que t'as besoin de le dire en toutes lettres? Je vous demande une fois pour toutes, gaffeur patenté, l'homme que vous avez amené, de quoi est-il prêt à témoigner? Sur son caractère... Et d'avoir été avec lui tout le temps, sans jamais le perdre de vue. La nuit en question. Maintenant, faites très attention. Quel est son statut social? On l'a habillé... Encore un coup? Attends. Il est vêtu comme un respectable pâtissier. Il est ici? Je l'ai laissé au coin de la rue, venez voir. Il a une tête d'assassin. Il titube, il est ivre. Regardez, il a un œil au beurre noir, il a essayé de le maquiller. Fais disparaître ton pseudo-témoin et ne nous ramène plus jamais ce genre de Librius. À nous deux maintenant, monsieur Pipe. Wemmick va vous accompagner chez le jeune Pocket et lundi vous irez vous présenter à son père. Voici la liste des commerçants qui vous feront crédit. Ainsi je pourrai vérifier vos dépenses et vous couper les vivres si vous dépensez à tout va. Ce qui arrivera fatalement, je le sais. Mais ce ne sera pas de ma faute. Au revoir. Monsieur Wemmick avait l'habit mal entretenu du célibataire et portait plusieurs anneaux de deuil au doigt et suspendu à sa chaîne de montre. On l'aurait dit chargé de souvenirs d'amis défunts. Il arborait aussi une broche représentant une veuve pleurant sur une tombe sous un saule pleureur. Alors, c'est la première fois que vous venez à Londres? Oui. Moi aussi, un jour, j'y suis venu pour la première fois. C'est drôle quand j'y pense. Vous connaissez bien la ville maintenant? Ah ça oui, je sais comment elle fonctionne. Est-ce que c'est une ville dangereuse? On peut s'y faire rouler, voler ou assassiner. Et on trouve partout des gens prêts à vous rendre ce genre de service. Bien sûr. Dès qu'on a querelle avec quelqu'un... Pas besoin de querelle, suffit qu'il y ait un bénéfice à en tirer. C'est encore pire, alors. Vous trouvez? Moi, je dirais que ça revient au même. Vous savez où habite Monsieur Matthew Pocket? Oui, à Hammersmith, à l'ouest de Londres. C'est loin? Dans les 6 kilomètres. Et vous le connaissez? Vous seriez bon en contre-interrogatoire. Oui, je le connais. Je le connais. Nous voilà arrivés. C'est ici Barnard's Inn. Ça ferait un bon club pour chat de gouttière. Mais des gens y habitent. Vous n'avez qu'à voir le nombre de pancartes à louer. Barnard's Inn était un assemblage improbable de bâtiments miteux entassés dans un coin sombre. On y accédait par un petit carré semblable à un cimetière. Les arbres, les moineaux, les murs, les chats rivalisaient de tristesse et ce n'était que peaux de fleurs ébréchées, carreaux fendus, poussière, bricolages incertains. La réalisation de ma première espérance était si décevante que je jetai un regard de détresse à Monsieur Wemmick. L'isolement vous rappelle la campagne ? À moi aussi. Allons-y. Voilà, c'est bien ici. Monsieur Pocket Junior. Reviens de suite. Il ne vous attendait pas si tôt. Vous n'avez plus besoin de moi ? Non, merci. Comme c'est moi qui tiens la caisse, on aura l'occasion de se revoir assez souvent. Bonne journée. Bonne journée. Ah, votre main ? C'est dans vos habitudes de serrer la main ? Oui. Moi, j'ai laissé tomber, sauf en dernier ressort. Très heureux d'avoir fait votre connaissance. Pareillement. Quelques instants plus tard, je vis apparaître successivement le chapeau, la tête, la cravate, le gilet, les pantalons et les bottes d'un individu à peu près de mon gabarit. Il avait un sac en papier sous chaque bras et un petit panier de fraises à la main. En le découvrant, je restais ébahi, avec l'impression de faire un rêve éveillé. Monsieur Pip ? Monsieur Pocket. Mon Dieu. Mon Dieu, je suis terriblement désolé, mais j'étais persuadé que vous prendriez la diligence de midi. Mon Dieu, elle coince tout le temps. Donnez-moi vos courses avant que les fraises se transforment en confiture. Merci beaucoup. D'un accueil. Je vous en prie. Entrez, entrez. Je passe devant vous. L'ameublement est succinct, mais j'espère que vous tiendrez le coup jusqu'à lundi. Le logement n'est pas somptueux, car je dois gagner ma vie, mon père n'a rien à me donner, et même s'il avait de quoi, je n'en voudrais pas. Ça, c'est notre salon. Une table, des chaises et un tapis, comme vous voyez. Tout ce que j'ai pu récupérer de la maison familiale. Je ne revendique pas la nappe et les couverts qui viennent du pub comme notre déjeuner. Ça, c'est ma petite chambre. Un peu humide, mais tout Barnard est humide. Ça, c'est la vôtre. Oh mon Dieu, vous portez toujours les courses. Oh, pardon, laissez-moi vous débarrasser. Honte à moi. Le ciel me pardonne. Vous êtes le garçon avec qui je me suis battu dans le jardin de Mademoiselle Avicham. Et vous, le jeune monsieur tout pâle. Oh. Ça alors ? De penser que c'est vous, justement. J'espère que vous voudrez bien me pardonner la correction que je vous ai infligée. La correction ? Ah oui, bien sûr. Vous êtes tout pardonné. Vous n'aviez pas encore bénéficié de votre bonne fortune à l'époque ? Non. Oui. On m'a dit que c'était très récent. À l'époque, je cherchais fortune moi-même. Ah bon ? Oui, Mademoiselle Avicham m'avait fait venir pour voir si je lui conviendrais. Mais ce ne fut pas le cas. En tout cas, je ne lui ai pas plu. Voilà qui me surprend. Une preuve de mauvais goût, mais un fait, néanmoins. Oui, c'était une visite à l'essai. Et si j'en étais sorti avec les honneurs, j'imagine qu'elle m'aurait pris en charge et peut-être que je me serais retrouvé, allez savoir quoi, avec Estella. Allez savoir quoi ? Fiancée ? Engagé, futur mari, allez savoir quoi, quoi. Le vocabulaire ne manque pas. La déception a dû être immense. Ça me disait pas. C'est une darta. Mademoiselle Avicham ? Elle aussi, mais je parlais d'Estella. C'est une fille hautaine et capricieuse. Mademoiselle Avicham l'a élevée pour qu'elle la venge des hommes. De tous les hommes. Elles sont parentes ? Pas du tout, elle l'a adoptée. Mais pourquoi la venger des hommes ? La venger de quoi ? Mon Dieu, vous n'êtes pas au courant ? Non. Oh là là ! C'est une longue histoire. Ce sera pour le déjeuner. Monsieur Jagger, c'est votre tuteur, si j'ai bien compris. Oui. Et il est aussi l'avocat et le chargé d'affaires de mademoiselle Avisham, qui est la cousine de mon père. Ce qui n'implique pas qu'ils se fréquentent. Mon paternel est un mauvais courtisan. Vous pouvez vous installer, monsieur. Le charme d'Herbert Pocket tenait à sa franchise et à sa décontraction. Il possédait une incapacité naturelle au mensonge et à la malveillance. On le sentait optimiste, léger, joyeux. Pourtant, sans savoir pourquoi, je me dis qu'il ne réussirait jamais dans la vie. Il était dégingandé, plus sympathique que beau, physiquement maladroit, mais je pressentais qu'il avait meilleure allure dans son vieux costume élimé que moi dans mon beau costume tout neuf. Et donc un soir, j'ai rencontré Monsieur Jaggers aux Trois Bateliers. En réponse à sa franche spontanéité, je lui racontais l'histoire de ma vie. Mais il m'a été formellement interdit de chercher à connaître l'identité de mon bienfaiteur. Voilà. J'ai donc reçu une formation de forgeron dans un petit village de campagne, et pour la politesse et ses règles, je suis un ignorant complet. Ce serait extrêmement gentil si vous me corrigiez quand vous me voyez perdu ou mal emmanché. Avec plaisir. Mon sentiment est qu'il y aura peu à corriger. Évitons les formalités inutiles, vous voulez. Je vous prie de m'appeler par mon prénom, Herbert. Avec plaisir. Moi, c'est Philippe. Je n'aime pas Philippe. On dirait une illustration d'abécédaire. Vu que vous avez été forgeron et que nous sommes en harmonie, je propose de vous appeler Handel. Car Handel a composé une musique délicieuse qui s'appelle L'harmonieux forgeron. Avec plaisir. Entrez. Ah, bonjour, monsieur Herbert. La porte s'ouvrit sur notre déjeuner. Un très bon déjeuner qui revêtit cependant un caractère de bohème, car l'ameublement succinct obligea le serveur à déposer le beurre sur le fauteuil, le pain sur la bibliothèque, le fromage dans le seau à charbon et le gibier bouilli sur mon lit. Vous avez promis de me raconter l'histoire de mademoiselle Avisham. Exact. Et je vais tenir ma promesse sur le champ. En guise d'introduction, je dois vous dire qu'à Londres, on ne met pas son couteau dans sa bouche, au risque de se blesser, et que si c'est par contre le rôle de la fourchette, il ne faut pas l'enfoncer plus loin que nécessaire. C'est un détail insignifiant, mais autant nous comporter comme tout le monde. Alors, concernant mademoiselle Avisham, il faut savoir qu'elle a été une enfant gâtée. Sa mère est morte quand elle était petite, et son père ne lui refusait rien. C'était un gentilhomme de campagne, et c'était un brasseur, très riche et très fier. Comme sa fille. Elle était fille unique ? Patience, j'y viens. Non. Elle n'était pas fille unique. Elle avait un demi-frère. Le père s'était remarié de la main gauche. Avec la cuisinière, je crois. Il n'était pas si fier, alors ? J'ai bien précisé, de la main gauche. À la mort de sa femme, j'imagine qu'il a informé sa fille de ce qu'il avait fait. Et son fils a vécu avec eux dans la maison que vous connaissez. En grandissant, le garçon s'est révélé extravagant, colérique, désobéissant, un mauvais fils. Le père, à sa mort, lui laissa tout de même un bon héritage, très inférieur à celui de sa fille, néanmoins. Resservez-vous de vin. Et pardon de le mentionner, mais la société n'exige pas que l'on vide son verre aussi radicalement jusqu'à le renverser entièrement contre son nez en y laissant une auréole. Excusez-moi. Et merci. Je vous en prie. Mademoiselle Avisham était désormais une héritière très convoitée. Son demi-frère ne tarda pas à dilapider son héritage. Il détestait cordialement sa demi-sœur, qui soupçonnait d'avoir monté son père contre lui. J'arrive au moment cruel de l'histoire, mais je dois vous dire que la serviette ne doit jamais se retrouver dans le gobelet. Pardon. Et merci encore. Vraiment, je vous en prie. Apparut alors, sur la scène, un homme brillant de mille feux, qui courtisa mademoiselle Avisham. Selon mon père, si on est un vrai gentleman par le cœur, on n'a pas besoin d'en affecter les manières. Au contraire, plus on vernit un bois grossier, plus son grain apparaît. Il déclencha chez elle une passion dévorante. Il obtint d'elle des sommes d'argent importantes et lui fit racheter excessivement cher la part de son demi-frère dans la brasserie qu'il comptait gérer après leur mariage. Seul mon père commit le péché impardonnable de la mettre en garde. Ils ne se sont pas revus depuis. Tous les préparatifs étant terminés, le jour du mariage arriva. Contrairement au marié, qui envoya à sa place une lettre à sa promise, qu'elle reçut à 9h20, heure à laquelle elle arrêta toutes les horloges par la suite. On ne connaît pas le contenu de la lettre, si ce n'est qu'elle rompait brutalement le mariage. Mademoiselle Havisham tomba malade, et après sa guérison, laissa sa maison dans l'état où vous l'avez découverte, elle-même ne voyant plus jamais la lumière du jour. C'est toute l'histoire. C'est tout ce que j'en sais. J'ai oublié un point. La rumeur dit que le futur marié avait agi en complicité avec le demi-frère avec lequel il partageait tous les bénéfices de l'entreprise. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas épousé pour mettre la main sur toute sa fortune. Peut-être était-il déjà marié. Et les deux hommes, que sont-ils devenus ? Ils se sont enfoncés dans un avilissement encore plus dégradant, si c'est possible, jusqu'à la ruine totale. Ils sont toujours vivants ? Aucune idée. Vous m'avez dit que Mademoiselle Havisham et Estella n'étaient pas parentes. Quand l'a-t-elle adoptée ? Il y a toujours eu une Estella depuis que j'entends parler de Mademoiselle Havisham. C'est tout ce que je sais. Et mon cher Handel, vous en savez désormais autant que moi. Et vous que moi. Vous parliez de gagner votre pain. Si moi j'étais forgeron, vous, qu'est-ce que vous êtes ? Un capitaliste. Assureur de navires. Mais j'ai pas l'intention d'en rester là. Avec mon capital, j'ai l'intention d'acheter des parts dans la compagnie avant d'arriver à sa direction. Je compte aussi faire commerce sur des navires à gros tonnage. Ce qui rapporte ? Immensément. J'envisage également le troc, sucre, tabac et rhum. Et c'est lent, bien sûr, pour les défenses d'éléphants. Ça va nécessiter beaucoup de navires. Toute une flotte. Les navires que vous assurez actuellement commercent avec quelle région ? Je n'ai pas encore commencé. Je tâte le terrain. Ah. Oui. Je suis dans une entreprise comptable et j'étudie la situation. La comptabilité rapporte bien ? Je ne suis pas payé et j'ai la charge de mon entretien. Mais l'avantage, vous voyez, c'est que je peux étudier la situation jusqu'à ce que je voie une ouverture dans laquelle m'engouffrer pour constituer un capital. Ayant ainsi fait fortune dans son propre esprit, Herbert n'en manifesta aucune arrogance pour autant. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Merci. Et pour longtemps. Après une balade en ville, nous allâmes au théâtre, à Westminster le lendemain pour la messe, et nous passâmes l'après-midi dans les parcs. Les rues de Londres, encombrées par la foule, brillamment illuminées dès la tombée de la nuit, semblaient pourtant me reprocher de m'être tant éloigné de la pauvre vieille cuisine, là-bas, chez nous. Et au plus profond de la nuit, les pas d'un pauvre simulacre de portier affectant de veiller sur Barnard's Inn résonnèrent d'un bruit caverneux dans mon cœur. C'était « Les grandes espérances » de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Sixième épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Philippe Magnan, Brice Héléré, Philippe Bautier, Dominique Parent, Jean Pennec, Étienne Launay, Marina Cap, Christine Guénon, Michel Baladi, Othello Villegard. Et les voix de Ange Amiel, Pauline Choplin, Suzanne Sinberg, Jeanne Carillon. Flûte, Alexis Ménard, Bernadette Onfroy. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.